Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, nous sommes lundi 30 mai 2016. Voici les grands titres de ce journal. La police nationale du Burundi nie tout mobile politique derrière les actes criminels observés ces derniers jours et parle de règlement de compte entre particuliers sans plus de précision. Entre-temps, il s'observe une recrudescence des cas de vol à main armée dans le quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. En moins de 3 mois, 5 ménages ont été la cible des cas de vol par des hommes en armes. Une certaine Rachel Havyarimana de la zone et commune de Rushuri en province de Bujumbura est introuvable depuis une semaine. Elle a abandonné un nourrisson d'une année. Sa famille privilégie la thèse d'un kidnapping, une version que ne partage pas du tout l'administrateur de la commune Issare. À la une de l'actualité africaine, l'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à vie ce lundi. La radio de l'avenir. Rebonsoir. Les actes criminels rapportés ces derniers jours sont essentiellement motivés par des règlements de compte entre particuliers. Annonce faite par le ministère de la Sécurité publique dans l'après-midi de ce lundi. Dans un communiqué, le porte-parole de la police nationale précise que des unités spécialisées de la police sont à l'œuvre pour apporter la lumière sur tous ces actes. Suivez Pierre Mouriquier, il est porte-parole dans son ministère. Suite aux récents actes criminels constitués essentiellement par des assassinats, enlèvements et jets de grenades, le ministère de la Sécurité publique communique ce qui suit. D'après les enquêtes déjà menées par la police nationale du Burundi, ces actes criminels constatés ces derniers jours sont essentiellement motivés par des règlements de compte entre particuliers et n'ont rien à voir avec les motivations politiques que les mauvaises langues prétendent leur attribuer. Ainsi, le ministère condamne avec énergie toute personne qui, devant ça, si à mal au cours normal des enquêtes, s'adonne à attribuer chaque acte criminel à qui elle veut pour justifier son penchant, ses intérêts et convictions politiques à peine voilées, qui sont à l'œuvre pour mener toute la lumière sur ces actes, rechercher et traduire les auteurs devant la justice au plus vite possible. Le ministère recommande à la police nationale du Burundi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette criminalité sans délai. Et une fouille perquisition a été opérée dans la matinée de ce lundi dans la zone Moussaga de la commune Mouha en mairie de Bujumbura. Selon Rumenyetso Antoine, chef de la zone Moussaga, cette opération a été effectuée dans le quartier Kinanila 2 par la police et l'armée, mais aucune arme n'a été saisie et personne n'a été non plus arrêté. Recrudescence des cas de vol à main armée dans le quartier Mutanga Nord de la commune urbaine de Nahangwa, plus précisément à l'avenue Nyahoni. En moins de 3 mois, 5 ménages ont été la cible de ces cas de vol par des hommes en armes. Selon les habitants de cette localité, les mêmes hommes armés font également des viols sur les jeunes filles et femmes. Ils demandent à la police et à l'administration d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les précisions d'Aubin Nyonguru. Les ménages qui sont sous menace sont ceux placés le long de la bordure de la rivière de Nahangwa. Pour arriver à l'intérieur, ces voleurs sautent à la hauteur des clôtures ou les défenses. Témoignage de l'une des habitants de Mutanga Nord. Deux fois, ils entrent en passant derrière les clôtures parce que les clôtures sont trop petites. Derrière la bordure de Nahangwa, si la clôture est très grande, ils font de façon qu'ils font des trous sur la clôture. La même source confirme que ces voleurs sont souvent armés. Ils visent aussi les objets de valeur. Mais je peux dire que ce sont des voleurs, simplement. Mais ils viennent avec des armes à feu, ils volent tout. Ils volent exactement les bijoux en or, et les laptops. Je peux dire les choses qui sont en valeur à l'ordre d'Asoka. Ce qui est bizarre, on mélange aussi avec les viols. Je peux dire que nous interpellons au gouvernement de faire tout moyen possible pour protéger la population. Selon la source de certains habitants de l'avenue Nyangoni, 5 ménages ont déjà été attaqués par ces groupes d'hommes armés en moins de 2 mois. Aubin Nyonguru, le chef de quartier Gikongo 2 dans cette commune urbaine de Nahangwa, déplore que depuis 3 mois, 5 ménages de son quartier aient été victimes de cambriolage et de viol. Dans ces 3 mois et non 2 mois, comme le disait notre reporter. Jean-Vincent indique que pour pallier à ce problème, l'administration a demandé aux forces de l'ordre de multiplier des patrouilles nocturnes et quant aux ménages, il leur demande de mettre des lampes sur les clôtures en vue de dissuader les malfaiteurs à l'aide de la lumière. Une femme connue sous le nom de Rachel Avyarimana de la commune d'Issaria en province de Bujumbura est portée disparue il y a de cela une semaine. Cette femme a laissé derrière elle un bébé d'une année. Sa famille estime qu'elle a été kidnappée. Une version qui n'est pas partagée par l'administrateur communal d'Issaria qui soutient plutôt qu'un conflit familial serait à l'origine de cette disparition. Le point avec Evariste Nzikobanyanga. Cette femme connue sous le nom de Rachel Avyarimana a quitté sa famille depuis lundi de la semaine dernière, indique son mari. Thomas Daïchimiye précise que son épouse est partie avec le capital de leur bistrot vers une destination inconnue. Cette femme a laissé chez son mari 3 enfants, dont un d'une année et 3 mois. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Elle est partie lundi matin. Je ne saurais pas vous dire où elle est. On peut la joindre quelque si son téléphone. Et quand tu parviens à la joindre, elle ne te dit rien sur son adresse d'aujourd'hui et le mobile de son départ. J'attends ici à Rushuri qu'elle a beaucoup de dettes et que des avis de recherche seraient délivrés contre elle. Quand je parviens à la joindre, elle était à la gare du Nord. Elle me disait qu'elle voulait venir, mais que des gens qui voulaient l'arrêter l'attendaient chez Iwawawanu. Elle est retournée dans l'endroit inconnu. Depuis lors, je ne parviens pas à la joindre. Cet homme rabatteur au parking de bus et taxis à Rushuri indique avoir d'énormes difficultés pour encadrer ses enfants. Les problèmes sont énormes. Vous voyez qu'elle m'a laissé 3 enfants, dont celui qui a 1 année et 3 mois. Il faut qu'elle revienne et dire ce qui lui a poussé de partir ainsi que récupérer ce petit enfant. Il y a aussi des gens qui m'intimident en me demandant l'argent que ma femme a contracté. L'administrateur de la commune Issare, Gilbert Niunguru, a eu la chance de joindre ce lundi Rachel Avyarimana. Il indique que cette femme lui a informé avoir quitté le ménage à cause de son mari qui ne parvient pas à fournir des efforts pour faire vivre sa famille. Elle m'a dit qu'elle a connu un problème avec son mari et raison pour laquelle elle a jugé bon d'aller se cacher quelque part. Elle disait qu'il y a son mari qui ne voulait pas rechercher un capital. Donc si j'essaie de revenir un peu en arrière, cette dame-là, Hazalimana Rachel, communément, souvent appelée ici au centre de Rushuri, Nyamunini, elle travaillait juste dans un cabaret ici au centre. Et d'après ce qu'elle m'a dit, le capital qu'elle utilisait ne lui appartenait pas, appartenait aux autres. Donc c'est-à-dire quoi? Elle a problème de capital. Elle a pris décision d'aller ailleurs en laissant même un enfant d'une année et 3 mois. Vous avez pu parler de la question. Et je me suis entretenu avec elle sur la question. Elle aussi reconnaît la faute commise. Puisque même si elle avait différent avec son mari, elle ne pouvait pas partir en laissant un petit enfant comme ça. Donc elle a accepté de venir récupérer cet enfant-là. Et comme conseil, je lui demanderai d'approcher nos services ou bien approcher ceux du CDFC. Et comme ça, je pense qu'on pourrait leur prodiguer des conseils quitte à ce que leur famille puisse continuer à être bien entretenue. Au Centre de développement familial et CDFC de Rushuri, l'on indique n'avoir pas reçu un tel cas. Jeune Derimana, responsable de 10 centres, indique avoir reçu des cas qui concernent les femmes battues ou renvoyées, ainsi que des cas concernant le concubinage. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité est infligée à toute personne qui viole un enfant de moins de 18 ans. C'est du moins la lecture faite par Jean-Bercu Monseigneur Yunguruza, chargé des droits des enfants à l'association FVS AMA de Burundi. Il ajoute que d'autres sanctions sont prévues par la loi contre des parents complices dans ce genre d'infraction. Jean-Bercu Monseigneur Yunguruza le dit après que vendredi dernier, la police ait récupéré une jeune fille qui s'était mariée à un motard à l'âge de 15 ans dans la commune Rutovu en province de Ururi. Placide Nyomung. D'après ce défenseur des droits de l'enfant à la famille, pour vaincre le sida FVS et tout mineur, toute personne n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans et des sanctions sont reparties en 3 catégories pour toute personne qui viole ces mineurs, conformément à l'article 556 et 558 du code pénal. On peut ranger en 3 catégories, donc la punition 15 à 25 ans, donc simple, donc qui est commis par un auteur, donc une personne, un éducateur, et la punition de 20 à 30 ans, un viol qui est commis par plusieurs personnes ou qui est commis envers un enfant de moins de 12 ans. La loi prévoit la punition à perpétuité. Alors, quiconque aura commis ce viol ayant connaissance qu'il est porteur d'une maladie transmissible ou si le viol a entraîné la mort à la victime. Jean Bekima Signe Yunguruza demande aux parents d'éviter de résoudre à l'amiable de tels cas, plutôt saisir la justice. Pour moi, mon avis, ce qui est privilégié, c'est toujours la loi. On ne peut pas encourager ces résolutions à l'amiable pour laisser un enfant violé dans une autre famille. Parce que l'enfant s'est marié non consentant. Donc, il n'avait pas un consentement voulu ou préconisé par la loi. Donc, ça veut dire que c'est le mariage, donc précoce, le mariage par force. Signalons qu'une sanction comprise entre 2 et 5 ans de servitude pénale est prévue par la loi pour les parents qui accompagnent leurs enfants dans ce genre de débauche. Cela est dit après qu'une écolière de l'école fondamentale dans la commune Rutova en province Bururi ait été récupérée par force par la police le vendredi de la semaine dernière après être mariée à un motard qui s'est enfin volatilisé dans la nature. Placide Niomongere, il s'observe un arrêt de certains services dans des quartiers de la capitale Bujumbura où il y a eu des manifestations contre la nouvelle candidature du président de la République. C'est le cas notamment pour certaines agences de banque. Les bureaux postaux semblent venir en tête et cet arrêt de travail s'observe aussi bien au nord que dans le sud de Bujumbura. Léonce Vitario. Dans le quartier de Chibitoke, sur la route dite Kanyoni, au nord de la capitale Bujumbura, on ne voit que des cadenas sur la porte du bureau postal fermé depuis plus d'une année. Des informations sur place font savoir que les travaux ont été transférés vers le bureau postal de Kinama. Le dit bureau n'a pourtant pas changé de nom, c'est toujours Chibitoke, même si les activités se font à Kinama. Non loin, à Mutakura, l'agence de la banque Interbank est fermée. Mais curieusement, l'agence de la société Bicor continue ses activités dans les mêmes locaux. Au centre de la capitale, du côté de Nyakawiga, c'est le bureau postal qui est aussi fermé. 4 cadenas sont bien fixés sur les portes d'entrée. Des sources sur place renseignent que même le matériel a été transféré dans un autre coin non précisé. Dans la zone Moussaga, au sud de Bujumbura, sur 3 agences bancaires, dont la BBCI, BGF et le bureau postal, seule la BBCI est fonctionnelle. Le bureau qui était pour la poste est déjà occupé par un opérateur privé. Le commun de ces quartiers où les activités bancaires ont été arrêtées, c'est qu'il y a eu manifestation contre la nouvelle candidature du président de la République. Et dans l'ensemble, le bureau postal, qui est une institution publique, est la plus touchée. Les autres agences bancaires appartenant au privé. Les habitants de ces quartiers convergent sur un souhait, celui de revoir encore fonctionnelles les activités de ces agences bancaires. Merci Léon. Terminons l'actualité nationale par cette grogne des caféiculteurs de Karuzi qui se lamentent comme quoi le café n'est plus productif ces derniers temps au regard du prix variant entre 300 et 350 francs burundais payés au kilogramme de café cerise. Le gouverneur de la province Karuzi est consciente de la situation qu'elle a présentée au premier vice-président du Sénat, Blaise Pascal Kararoumi. Les caféiculteurs rencontrés sur les points de vente du café dans la province de Karuzi indiquent qu'ils vendent le café cerisé à 300 francs par kilogramme, un prix qu'ils qualifient de dérisoire à voir les travaux effectués dans leur caféiculture. Ils se plaignent qu'ils pourraient remplacer les caféiers par d'autres cultures qu'ils jugent de plus rentables, comme le haricot, le bananier. Un représentant des caféiculteurs de la commune Mutumba confirme qu'ils ne cessent de présenter les doléances et les plaintes de ces caféiculteurs aux autorités hiérarchiques lors des réunions organisées par ces derniers, tant au niveau régional qu'au niveau national. Erat Nchaboukoufi indique qu'à l'usine, le caféiculteur est payé 300 francs par kilogramme de café cerise une fois qu'il veut de l'argent liquide ou bien on lui donne un ticket sur lequel se trouve mentionné la quantité de cerise vendue s'il voudrait être payé ultérieurement après avoir fixé le prix du kilogramme de cerise. Les commerçants rencontrés sur le point de vente confirment qu'ils donnent les 300 francs par kilogramme de cerises, disant qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre. Cependant, à l'ONG Olam ou Sonikov, qui a des stations de dépurage presque dans toute la province de Karoussi, et pour qui la plupart de ces commerçants achètent ce café cerises, on indique que le prix donné aux caféiculteurs est de 445 francs, avec 20 francs de transport. À l'administration provinciale, le gouverneur Kalini Barushimana indique que la commercialisation du café est en train de créer beaucoup de plaintes et de léances de la part de la population et que la situation risque de devenir conflictuelle. Madame le gouverneur a même transmis cette situation qu'elle qualifie de malaise au niveau de la population au premier vice-président du Sénat lors de sa visite à Karoussi à la fin de la semaine passée. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en N'Djamena, au Tchad ou à Dakar, au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. À Dakar, Hissène Habré est désormais fixé sur son sort. 25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien, jugé par un tribunal spécial, a été reconnu coupable de viol, mais également de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce lundi 30 mai 2013, les chambres africaines extraordinaires ont condamné à la prison à vie. Des cris de joie ont envahi la salle du tribunal des chambres africaines extraordinaires après l'énoncé du verdict dans ce procès historique. Historique car, plus de 20 ans après les faits, c'est l'homme accusé d'avoir été à la tête d'un système de répression féroce qui a été jugé. Ce qui est reconnu ce lundi, c'est la responsabilité de Hissène Habré, président du Tchad de 1982 à 1990, dans ce système qui s'en est pris d'abord aux opposants ou ceux soupçonnés de l'être, puis à plusieurs communautés du sud du pays accusées de façon indiscriminée de soutenir des rébellions contre son régime. Sans négliger les détails, le juge a fait la description de tout un système lancé dès les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir par la force de Hissène Habré en 1982. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que la police nationale du Burundi nie tout mobile politique derrière les assassinats et autres actes criminels rapportés ces derniers jours et parle de règlement de compte entre particuliers sans plus de précision. Entre-temps, il s'observe une recrudescence des cas de vol à main armée dans le quartier de Mutangano, en mairie de Bujumbura. En moins de 3 mois, 5 ménages ont été la cible des cas de vol par des hommes armés. Une certaine Rachel Abdialimana de la zone et commune Rushuri en province de Bujumbura est introuvable depuis une semaine. Elle a abandonné un nourrisson d'une année. Sa famille privilégie la thèse d'un kidnapping, une version que ne partage pas du tout l'administrateur de la commune Issaré. Et vous venez de l'entendre à la une de l'actualité africaine. C'est la condamnation de l'ex-président tchadien Hissène Habré à la prison à vie solente. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. We'll be right back.